pas qu'une question de vibe. C'est plus que ça, frérot. VALDT parpille, mes extrémités sur tes papilles. Pour les enfants et pour les papilles. Je suis aligné, pas besoin de thérapie. Ils veulent tous mourir, ils me demandent pourquoi toi t'es happy. Je roule un pétard puis, et puis c'est parti. Partout le diable est tapis, toi tu vends des tapis. Moi je vends mon âme et c'est pas pire. Je veux la vérité, le c'est-à-dire mon interview dans le 7 à 8. Qu'est-ce ta bitch, genre d'un état léthargique. Je rentre dans sa chatte, c'est magique. Parle bien des zombies, c'est ma clique. On soigne les détails et s'applique. Oh, je suis comme de plus en plus, t'es comme de moins en moins. J'ai comme un truc en plus, t'as comme des points en moins. Je mets mes points en toi, derrière le présentoir. Saddam Hussein me dit je suis Dieu, toi présente-toi. Moi, j'ai pas dit, je suis tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Moi, j'ai pas dit, je suis tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Quoi, moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. VALD, je veux tes monts, c'est gaze en bas. Ils ont même pas de tasse, ils gobent que des pèses en balle. Ils font même pas de rap, ils dansent que la cheese en bas. Ils parlent de la trappe, maison qu'ils ont pas. Bref, disons qu'ils ont mal. C'est pas l'Arizona, donc je coupe l'Arizona. Pour que je les aime autrement qu'à l'horizontale. Foufou, je suis pas raisonnable. Arrêtez d'imprimer les notices, nous ne les lisons pas. J'étais malin avant d'être emprisonnable. J'ai idée claire dans mon tricot noir. J'erre dans ton Clio 4, je perds ce qu'on m'a dit en classe. Je bouge comme ectoplasme, pas de secousse pectorale. Je trousse Cléopâtre et je retrouve les 7 compas. Je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Quoi, moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Quoi, moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. À tes concerts pour me marrer, je sors le stylo pour te barrer. Je guette le rétro pour me garer. Je vis ma vie, je peux la narrer. J'ai fait du mal et j'en suis navré. Mais je vais grailler, je vais me gaver. Tant que vous bavez, je peux me laver avec AV. Si Dieu veut, je soulève plus palette. Si je veux, j'achète plus de barrettes. Sors le, mais je quitte la planète. À l'aise, allez. VALD, retiens bien ces 4 lettres. Je jette ma souris sur ces tapettes. Je roule un pilon, je pète une canette. Comme Joule, je parle des détails, je fais pas le fou, t'es que du bétail, je prends la coupe et les médailles, je fais des sous, je fais de la ferraille, je mets de l'or dans mes écarts, du beurre dans mes épinards et de l'or sur mes écailles. C'est quoi les bails? Moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Quoi, moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken. Quoi, moi, je sais pas qui je suis, tout ce que j'aime. Fumer du shit, faire de l'oseille, fais ce qu'il suscite tous les ken.